Chapitre 10. Lorsque le U-boat fit surface, Franz Ehren, le chef mécanicien, se présenta au rapport, la mine sombre. Le bâtiment était davantage avarié qu'on ne l'avait pensé tout d'abord. Le pont est transpercé en 10 endroits, énuméra Fritz. On peut colmater ça nous-mêmes, mais ça ne résistera jamais à la pression. Les soudures sauteront dès qu'on tentera une plongée vraiment sérieuse. L'eau de mer a bouffé plusieurs batteries. Plus question de faire tourner les moteurs électriques à pleine puissance. L'un des obus a dégommé le diesel bâbord. Pour finir, l'onde de choc a faussé le gouvernail. Eric Weser grimaça. Le diagnostic du mécano n'avait rien de réjouissant. Il signifiait que le U-boat allait désormais se traîner en surface, à vitesse réduite, en dérivant obstinément par rapport au cap qu'on essaierait de lui faire tenir. Naviguer en surface, c'était courir le risque de se faire tirer comme un lapin par tous les vaisseaux armés dont on croiserait la route. Même les paquebots de ligne pourraient céder à la tentation de l'éperonner, puisque leur gouvernement les y incitait. Un sous-marin ne pesait rien en face d'une telle forteresse flottante. Il se retrouvait coupé en deux avant que son équipage ait pu l'évacuer. « Faut trouver une île, une crique ou relâcher, le temps de procéder aux réparations, suggéra Fritz. Une fois planqué à l'abri, on pourra envoyer un message pour qu'un autre U-boat vienne nous prendre en remorque, ou bien qu'on nous parachute des pièces de rechange. Merci, coupa le capitaine, je vais y réfléchir. En réalité, il ne tenait nullement à lancer un SOS. Si l'amirauté dépêchait un autre sous-marin, ce ne serait pas pour les secourir, mais pour prendre livraison des joyaux de la couronne. Il ne se faisait aucune illusion, la mission passait avant tout. Quant au capitaine Weser et à son équipage de héros, on les abandonnerait au milieu de l'océan avec de belles paroles de réconfort, en leur suggérant de se débrouiller tout seuls, car on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux, n'est-ce pas? Le trésor devait parvenir à Berlin dans les plus brefs délais. Le Führer l'attendait avec impatience. Non, après avoir couru autant de risques, Weser n'envisageait pas de se laisser confisquer les bijoux par un petit malin qui récolterait en définitive les honneurs de la prise. Je ne signalerai pas notre position, décida-t-il, et je ne demanderai aucun secours. On s'en sortira tout seul, ce ne sera pas la première fois. Où sommes-nous? S'inquiéta Siegfried lorsque Weser regagna la chambre des cartes. Le capitaine dessina une zone approximative avec la pointe de son compas. Quelque part au large de la Guyane, soupira-t-il. Les gyrocompas sont déréglés, nous accusons une gîte de 15 degrés sur tribord, la boussole a rendu l'âme. Il va falloir se guider sur les étoiles et faire le poids avec un chronomètre et un sextant. Cela suppose que le temps reste clément, sans nuages. En continuant dans cette direction, nous devrions atteindre l'embouchure de l'Amazone. C'est un fleuve immense, large de 20 kilomètres. Nous pourrions facilement cacher le sous-marin dans une lagune, le temps d'effectuer les réparations. Personne n'ira nous chercher là-bas. Ce serait une excellente position de repli. Le fond est à 50 mètres. Cargo et paquebot remontent le fleuve jusqu'à Manaus, à plus de 4000 km de l'embouchure. Il ne s'agit pas d'une petite rivière, mais d'un véritable océan d'eau douce. Siegfried digéra l'information. Il essayait de s'imaginer prenant la fuite avec les bijoux à travers la jungle. Difficilement envisageable, à moins de disposer d'un guide indien. Il faudrait y réfléchir. Un soupçon l'effleura. Eric Weser n'était-il pas en train d'envisager en ce moment même un scénario identique? Ce salaud pourrait bien avoir dans l'idée de profiter des avaries du U-boat pour se retirer du conflit, songea-t-il. Il faudra l'avoir à l'œil. Des réparations de cette importance pouvaient prendre des semaines, voire des mois. Les hommes d'équipage finiraient par apprécier cette villégiature, ils s'amolliraient, découvriraient les joies du Farient. La présence de belles indigènes peu farouches accentuerait cet état de choses. L'on verrait très vite leur désir de reprendre la mer fondre comme neige au soleil. Weser avait peut-être prévu tout cela. Ne comptait-il pas sur cette déliquescence pour disparaître un beau jour sans que personne songe à lui donner la chasse? Allons, se morigéna Siegfried. Je deviens paranoïaque. C'est un bon soldat allemand, un vrai arien gagné aux idées nouvelles, Il ne peut pas avoir l'âme si noire. » Dès le lendemain, on s'aperçut que quelque chose n'allait pas. Le bâtiment n'obéissait plus à la manœuvre, il semblait avoir été capturé par un courant violent qui l'entraînait on ne savait où. Plus le temps passait, plus on s'éloignait de la côte pour gagner la haute mer. C'était incompréhensible. Weser consulta ses cartes, mais aucune d'elles ne mentionnait l'existence d'un stream de cette envergure. « Ça ne signifie pas grand-chose, soupira-t-il. Tout ne figure pas sur les cartes, loin de là. Des centaines d'îles n'ont fait l'objet d'aucun relevé. Elles sont là, quelque part, mais personne n'en sait rien. Ce sont des territoires fantômes que les marins découvrent par hasard, à l'occasion d'une tempête. Ce courant existe bel et bien puisqu'il nous a capturés. Mais il ne sera peut-être pas répertorié avant plusieurs décennies. » Weser grimpa dans la baignoire et commanda de donner toute la puissance dont on était capable pour s'arracher à l'étreinte du courant. Le chef mécano grimaça. On ne disposait plus que d'un seul diesel, il doutait que cela fût suffisant. Le moteur toussa, renacla, puis accepta de se mettre en marche. Mais le chef mécanicien avait vu juste, le U-boat n'avait plus la force nécessaire pour décider de sa route. Il semblait condamné à rester prisonnier du flot entêté. « Dieu seul sait où nous allons, » murmura Weser en scrutant l'horizon. « Certains courants font le tour de la Terre, d'autres descendent droit vers l'Arctique. Nous ne sommes plus maîtres de notre destin. »